feed. Right, thank you. Bonsoir, ici c'est DDN dans le vide relatif avec un nouveau jingle fabriqué exprès pour vous par le robot maison. Comme ça, ça m'évite de le répéter 4 fois par heure comme toutes les radios le demandent. Celle-là compris. Avec la quantité d'imbécilité qu'on voit fleurir dans les bacs des disquaires, ça commence à devenir difficile de ne pas écouter n'importe quoi. Alors il y a peut-être une solution, qui consiste, maintenant que la plupart des disquaires indépendants ont disparu, à peut-être cesser de fréquenter les magasins de disques. Enfin, je ne sais pas trop, toujours est-il que le magasin à 4 lettres n'a jamais été le paradis de la musique, il est simplement le paradis de l'argent. À propos de 4 lettres, voici quelqu'un qui se résume aussi en 4 lettres, mais qui lui est le paradis de la musique. C'est Emmanuel de Saint-Aubin, EDSA, avec son nouvel album qui s'appelle « Certains de mes amis ». Vous allez voir, c'est plein de guitares. Thank you. bah oui, j'aurais peut-être dû vous prévenir que c'était un peu du free jazz aussi. Vous aimez bien le free jazz? Moi, j'aime bien le free jazz. Beaucoup de gens croient que les musiciens de noise font du bruit parce qu'ils ne savent faire que ça. Mais non. Regardez Merzbow, par exemple, il a sorti beaucoup de choses avec des rythmes. Bon, ça reste du bruit, j'ai dit une idiotie. Mais par contre, ce que nous allons écouter maintenant, c'est Eaten by Children, c'est très mélodique, et ça vient d'un groupe de noise. Et puis d'abord, noise, ça veut plus rien dire. À force d'être mis à toutes les sauces, le mot bruit, le terme bruitiste, ont fini par perdre complètement leur sens. Tous les parents, depuis la nuit des temps, appellent ce que font leurs enfants du bruit. Puis appellent ce que font leurs adolescents du bruit. Puis appellent ce qu'écoutent leurs adolescents du bruit. Alors forcément, tous ces adolescents qui écoutent Marilyn Manson croient que c'est du bruit. Non, c'est pas du bruit, c'est de la variété. Ce qu'on va écouter maintenant, ça c'est du bruit. Mais ça veut pas dire qu'il n'y a pas de la mélodie dedans. C'est Horse Coring, c'est sorti sur un très micro tout petit label australien qui s'appelle Smell the Stench, rien que le nom m'amuse, et ça s'appelle Poetry and Chaos. Thank you. Je ne sais pas trop ce qui se passe en ce moment, je reçois plein de disques dans le genre de celui-là, c'est-à-dire de l'ambient fabriqué avec quasiment que de la guitare, dans la bonne vieille veine de Experimental Audio Research, de Main, de Loop, de certaines choses qu'avait fait Justin Broderick dans les années 90, et peut-être d'un tas d'autres choses que vous connaissez. Ça ne veut pas dire du tout que c'est à la mode en ce moment, parce que ça je n'en ai pas la moindre idée, c'est juste que j'en reçois beaucoup. Au fait, tiens, si vous voulez m'en parler de ce qui est à la mode en ce moment et me donner tort en me montrant que des choses à la mode sont formidables, je suis tout oui. Vous pouvez me contacter à levidrelatif@rage.fr. Enfin, si ça marche un jour. Ce qui marche pour le moment, ce sont les playlists de l'émission qui sont postées sur le forum du site www.rage.fr. crois pas là. Alors que la dernière fois, on s'est recapé du grind et du métal pendant presque une heure, maintenant on va se prendre que des trucs avec du piano, un peu sirupeux et un peu ambiant. Eh ben, elle est belle la vie. C'est vrai que d'habitude, je vous préviens, le vide relatif, c'est l'émission où on écoute de tout en essayant de ne pas écouter n'importe quoi. Si je vous ai pas prévenu, c'est pas parce qu'on écoute n'importe quoi. Et d'ailleurs, c'était quoi ce qu'on vient d'écouter ? Eh ben, ce qu'on vient d'écouter, c'était Living Ornaments avec une très jolie pochette avec des fleurs, et c'est sorti sur Narrowminded à narrowminded.com, c'est un label hollandais. C'est quoi un palindrome ? Un palindrome, c'est un mot qu'on peut lire dans les deux sens, comme Sigis, par exemple. Bah, Sigis, ça veut rien dire. Bah si ça veut dire quelque chose, c'est le nom d'un label anglais. Ce qui commence à partir en fond sonore, c'est Borisov, et ça s'appelle Le Chien. Si, si, c'est vrai, ça s'appelle Le Chien. Si comme moi, vous êtes un gros fan de Panasonic, l'ancien Panasonic, là, vous savez qu'ils ont fait sauter le A pour des raisons de marque déposée. Bref, si vous êtes comme moi un grand fan de Panasonic, ça a dû beaucoup vous plaire. Enfin moi, d'une part, ça m'a beaucoup plu, et d'autre part, comme j'ai écouté ça la première fois avec le caisson de grave à fond, ça m'a littéralement décollé de mon siège. Tiens, pour une fois, ce disque-là, comme il y a des tas de fréquences qui passent pas sur un MP3, ça vaut vraiment le coup de l'acheter. www.cgis.com. C'est pas vrai encore de l'ambiant. Et si c'est vrai, c'est Number None, c'est sur New American Folk Hero, un label qui sort à peu près tout sauf du folk. Je vous laisse en leur compagnie. On veut du rock'n'roll. Alors ça tombe bien, on va en avoir du rock'n'roll. Il y a un petit groupe qui s'appelle Aghast, c'est un groupe français. C'est vachement bien. Bon, je trouve que c'est moins bien que Shall Not Kill, mais comme Shall Not Kill ça n'existe plus, on va faire avec ce qui nous reste. C'est Aghast, ça s'appelle Psy War. Je sais pas bien ce qu'ils lui ont mis comme chat dans son pantalon au chanteur d'Aghast, mais il a l'air drôlement énervé. Enfin, c'est peut-être le chien de Borisov de tout à l'heure qui lui court après. Décidément, notre robot maison parle français comme un pied. Je profite bien de l'avoir parce qu'il semblerait que bientôt, il va falloir être capable d'écrire comme Corneille pour pouvoir rentrer en France. Alors moi, je me pose une question. Qu'est-ce qu'on va faire de tous les abrutis analphabètes qui peuplent les partis politiques ? On va les reconduire à la frontière du Débiland qui les a vus naître ? Bon, allez, au lieu de dire des bêtises, on va retourner à ce qui nous intéresse, c'est-à-dire la musique. Le titre suivant, c'est Syphilis Sona. C'est quand même incroyable la qualité de ce que certains font dans leur cuisine, parce que ce que vous venez d'entendre, c'est pas sur un label, même pas sur un tout petit, même pas sur un tout petit label de CDR, c'est sur rien du tout, c'est simplement sur une démo que j'ai reçue par hasard par la poste. D'ailleurs, si vous allez un peu sur MySpace, vous savez le www.myspace.com où tous les adolescents américains boutonneux viennent raconter leur malheur, enfin, sur ce MySpace, vous tombez sur des quantités absolument industrielles de musique formidable, et pas que de la musique industrielle, faite par les gens dans leur cuisine. Quand je vous dis que c'est sur Internet que ça se passe... Et pourtant, je me rends bien compte que ça n'a pas toujours été comme ça. Ce qui suit est sorti en 1995. Je l'avais trouvé l'année d'après dans un petit magasin de disques indépendants. Ça existait encore à l'époque. J'espère que chez vous, ça existe aussi. J'espère que les petits disquaires indépendants qui m'écoutent vont enfin sortir la tête de leur derrière et arrêter d'acheter ce que leur proposent les majors. Remarquez, il faut bien qu'ils vendent, il faut bien que tout le monde vive. Pour résumer... J'avais acheté ce disque en 1996 chez un disquaire, c'est Skullflower, c'est un peu long, c'est un peu jazz, un peu bruit, ça résume un peu la tonalité de l'émission de ce soir. Bon ben, on a encore le temps de dire quelques bêtises, on a encore le temps de passer un titre, et puis après, on se quitte, et on se dit à la semaine prochaine, voilà. À la semaine prochaine, c'est dit. Il passe même de la New Wave, lui, dans son émission. Je te jure que c'est vrai, de la New Wave. Et ça existe encore, ça, la New Wave? Bah non, ça fait 20 ans que ça n'existe plus, mais il a encore trouvé des gens qui en font. Si, si, je te jure, de la New Wave. D'abord, ça s'appelle Le Vide Relatif. D'abord, il y a un mail, c'est levideRelatif@rage.fr. Tu peux même télécharger les playlists sur le forum de son émission. C'est forum.rage.fr où tu vas sur www.rage.fr puis tu trouves le lien sur les forums. Je te jure, il passe de la New Wave. Je te jure, de la New Wave. A-I-D-S. Sex kills. It's become the new plague. It's the curse of the age. Sex kills. Just stay with your partner and you'll be a survivor. Sex kills. Sex kills us in slow, painful death. The deadly disease like wildfire spreads. Sex kills indiscriminately, both the innocent and the guilty. He's given her AIDS and shortened her days. Sex kills. She didn't take care and wasn't aware. Sex kills. She's going to die and she's asking why. Sex kills. A moment of ecstasy led to misery. Sex kills. Sex kills us in slow, painful death. The deadly disease like wildfire spreads. Sex kills indiscriminately, both the innocent and the guilty. Smug until the check up. Sex kills. All those one night stands got their own back. Sex kills. That lover's nest became his deathbed. Sex kills. His lust returned him to the dust. Sex kills. Sex kills us in slow, painful death. The deadly disease like wildfire spreads. Sex kills indiscriminately, both the innocent and the guilty. Sex kills. If you've caught AIDS, then make your will. Sex kills. If you've caught AIDS, then make your will. Sex kills. If you've caught AIDS, then make your will. Sex kills. If you've caught AIDS, then make your will. Sex kills. If you've caught AIDS, then make your will. Sex kills. If you've caught AIDS, then make your will. Sex kills. If you've caught AIDS, then make your will.